Chacun ma guitare. Thank you. vraiment terrible. Je suis en train d'essayer de trouver les sons. Canal normal, mais milieu de gain.